Je circule sur une route à chaussée séparée. La vitesse est limitée à 110 km/h. 15 mètres seulement me séparent de cette voiture. C'est insuffisant pour me permettre de réagir en cas de ralentissement brusque. Dans tous les cas, je dois prévoir un intervalle de sécurité d'environ 60 mètres. Pour dépasser, j'aurais dû me déporter bien plus tôt. Réponse B et D.